lève la page tirée sur la colline. Où est-ce l'alcool terrible planqué dans un immeuble en ruine? Le courage entre mes jambes et la peur après la fuite. Je cherche l'ennemi planqué, disparaît à la sauce et Kaiser. Je viens donner la mort, tu ferais mieux d'entraîner Chaser. Je joue pas avec le sort, y'a derrière moi des années d'efforts, de lassitude, jamais à tort d'exactitude. Je suis trop fort pour te mener la vie rude. Je viens chercher mon or. Sors les caras gringos, j'ai les oreilles sales, mais entends bien te faire souffrir encore plus. Déjà mort le processus qui te cartonne l'anus. Si t'es pédé, mets-toi à l'aise. Le code glisse entre tes fesses. Un hétéro retourne ta veste. Mes mots ravagent comme la peste et personne je l'oublie. Mon dictionnaire empeste tous mes mots choisis. La critique de mes amis est devenue banale. Rien de plus normal pour l'animal qui se régale à te foutre les boules. Je fais peur à la foule, mais j'ai choisi mon camp. Une équipe de débiles qui reste assis sur le même banc. Emmène mon nom à l'usure comme des moisissures sur le bois. S'il y en a un qui prend, lui casse les dents si on le voit. On a très peu de choses, mais on y tient. Il faut défendre la cause, sinon je dors pas bien. Ose me défier ou reste tranquille. Prêt à faire ton bonheur sur vinyle. Il faut pas se fier à ce qu'on raconte dans la ville. Seul film à toi et attends la proie. Pas de profil type, juste d'un gars comme toi. Un rap qui te prend les tripes et dès que tu la prends le toit. Ou appelle une pute qu'elle te pipe. Je raconte pas du pipeau. Lyrics pour les durs, hystériques et mythos. Ceux qui ont pas de fric, racailleux et clando. Ceux qui squattent les halls et les bouches de métro. Ceux qui se livrent la colle en attendant le pédo. Ceux qui jouent aux fléchettes en tirant sur un carreau. Ceux qui tirent des caisses pour faire un bon rodéo. Ceux qui font la manche et font rentrer les pesos. Ceux qui vivent au jour le jour et ont trop vu Rambo. Pour ceux qui ont boulot de merde, métro boulot dodo. Il faut vraiment que t'aies rien à perdre pour m'écouter au micro. De tous les vies du monde, j'ai choisi d'être réglo. C'est vrai que la terre est ronde, mais tourne comme un couloir.